and not to catch you winning the next. Pas dans la fitness, y'a que des mecs infréquentables, ton boulot vitesse, et le shooter rien faire en balle, j'ai tout mérité, si je dois refaire je vais normal, toujours en business, mais j'oublie pas que je viens d'en bas. Noir et la Nora qu'on est deux sur la bécane, je suis dans une salle, je dois payer l'avocat, ou tu es dans le garage pour travaux, je fais un vocal, moi je suis trop dedans. Accélère comme ça, le bénéfice est intéressant, mais on sera tous intéressants. À la base, je voyais pas tout ça, mais au fil du temps, j'ai dû prendre sur moi. J'ai dû prendre sur moi, et un doudou, tout va mieux. Et bah, c'est comme ça, j'ai préféré la bimbo. J'ai préféré ses tatouages, j'ai préféré cracher gay sur son dos. On voit que son cas vu sur la moto, elle galère trop pour monter. C'est trop quand je regarde son dos, j'ai toujours une envie de la démonter. Je dois payer l'avocat. Foutu dans le garage pour travaux.